Comme un sentiment déjà vu, comme des sentiments mis à nu. Et j'ai une boule dans le ventre, je bouche mes oreilles, non je veux plus t'entendre. Dans ma tête on est toujours ensemble, on s'est consumé, donc on finit en cendres. Bébé non j'ai plus les mots, plein de défauts quand j'ai plus de pédo. Et je fais semblant que tout va bien, pour pas que tu sois mal, je suis même plus taquin. Et ouais il me plaît ton charme, tu t'es même pas senti responsable. Je vide mon cœur sur la prod, rien à cacher, je vais pas changer de code. J'essaye d'être droit dans mes bottes, et je fais souvent semblant devant mes potes. Y'a pas un soir sans que je pense à elle, je suis comme le taureau dans l'arène. Je suis devenu roi sans reine, je suis devenu moi sans rêve. Tu disais n'importe quoi des fois, tu dis n'importe quoi souvent. Banalité comme dire noir c'est noir, banalité comme boire blanc de blanc. C'est pas comme ça qu'on fait les choses, confond pas conséquences et les causes. S'il te plaît m'attends pas soir, devant tes beaux yeux je cède à la tentation. Faut que je résiste devant autant de passion, je veux que tu me communiques les informations. Bébé non j'ai plus les mots, pour moi c'en est trop, je te dis hasta luego. Faut que tu changes ton comportement, tu peux pas me récupérer n'importe comment. Je peux pas témoigner, dis-moi pourquoi on s'attache avant de s'éloigner. Je peux pas penser la pleure, je voulais l'appeler, j'arrête pas d'y penser. J'essaye d'être droit dans mes bottes, et je fais souvent semblant devant mes potes. Y'a pas un soir sans que je pense à elle, je suis comme le taureau dans l'arène. Je suis devenu roi sans reine, je suis devenu moi sans rêve. Tu disais n'importe quoi des fois, tu dis n'importe quoi souvent. Banalité comme dire noir c'est noir, banalité comme boire blanc de blanc. Trust me again. Trust me. Trust me.